Bonjour Tiffaine, on se donne rendez-vous demain à la même heure et d'ici là nous vous proposons de réentendre la série d'émissions que nous avions consacrée à Antoine de Saint-Exupéry en mai dernier puisque paraît en ce moment une nouvelle édition de ses œuvres dans un gros volume de la collection Quarto des éditions Gallimard avec pour maître d'œuvre Alban Cerisy qui était mon invité lors de cette émission que nous vous proposons donc aujourd'hui en nouvelle diffusion. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, et oui, deuxième épisode de notre série consacrée à l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry dans la compagnie des auteurs, une émission proposée par Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurent Travagli-Chanal et Anthony Thomasson. Il est mort à seulement 44 ans, abattu lors de la Seconde Guerre mondiale par le dernier vol qu'on lui avait permis de faire, le dernier, car déjà il était trop âgé, malade et fatigué pour piloter. Aristocrate désargenté, il a été tout à la fois tête en l'air, dans la lune et dans les nuages. Il vivait mal son époque, qu'il trouvait matérialiste et désenchanté, comme nous l'a raconté Virgile Tanaz au cours de notre émission d'hier, que vous pouvez retrouver en podcast. Demain, retour sur Terre, nous parlerons politique et journalisme, d'abord avec François Gerber qui nous racontera le rapport de Saint-Exupéry avec la France libre, puis avec Philippe Baudor, avec qui nous nous pencherons sur les reportages de l'écrivain, en particulier en Espagne et en Russie. Enfin, jeudi, Sylvie Justhomme viendra nous parler du style de Saint-Ex, tandis que l'écrivain Philippe Forest analysera la place de l'enfant dans ses textes. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du Petit Prince, je reçois Alban Cerisier, éditeur et archiviste, mais également grand spécialiste de ce livre célèbre de Saint-Exupéry, dont il a édité chez Gallimard le manuscrit en 2013, une édition facsimilée et transcrite. Avant cela, il avait publié en 2006 chez Folio Gallimard l'ouvrage intitulé « Il était une fois le Petit Prince », un recueil collectif qui raconte l'histoire littéraire et éditoriale de ce livre avec la participation notamment de Pierre Assouline, Tahar Benjelloun, Philippe Delerme ou encore Patrick Poivre d'Arvor. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612, et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix. Quels sont les jeux qu'il préfère? Est-ce qu'il collectionne les papillons? Elle vous demande quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement, elle croit le connaître. Et si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elle s'écrie, oh, comme c'est joli. Du Petit Prince dans une lecture de Bernard Giraudot, disponible en CD aux éditions Gallimard Jeunesse. Bonjour Alban Cerisier. Bonjour. Qu'est-ce que ça provoque comme effet d'entendre ce texte que vous connaissez tellement? Est-ce que la magie continue tout de même d'opérer? Oui, avec Bernard Giraudot, c'est certain. Et de fait, l'enregistrement du Petit Prince a toujours eu une importance. Dans les années 1950, avec Gérard Philippe qui enregistre un joueur extrêmement fameux du Petit Prince, ça a beaucoup compté pour la diffusion de l'œuvre parmi les Français. D'ailleurs, on entend encore la voix de Gérard Philippe quand on lit le texte. Et on peut la voir aussi, puisqu'il y a des magnifiques images de Gérard Philippe lisant le texte lui-même. Ouais. Ouais. Alors, faut dire que c'est un conte qui a fait rêver, qui a fait méditer, qui a fait sourire et pleurer des millions d'enfants, mais aussi de grandes personnes. Est-ce un livre pour les enfants? Est-ce un livre pour tout le monde? Alors ce débat-là, il est consubstantiel à ce livre-là. Il est né avec la parution de ce livre, puisque la première critique américaine parue sur ce livre pose déjà la question de savoir si c'est un livre pour adultes ou pour enfants. C'est d'ailleurs une interrogation qu'avaient les éditeurs américains du livre, qui étaient un peu inquiets de la réception de ce livre à l'époque de sa parution, parce qu'ils ne savaient pas exactement où il allait se classer. Et on voit que Saint-Exupéry a eu une hésitation lui-même. Il a fait ajouter un peu en dernière minute sur la page du titre du livre une écriture en script rappelant le style d'une écriture enfantine, certainement pour mieux affirmer que, en premier lieu, le public de destination de ce livre-là était bien un public pour enfants, ce qui n'interdit évidemment aucunement, comme pour tous les contes, que les adultes s'en emparent. Mais lui pense aux enfants. Il y a d'ailleurs des témoignages qui disent que c'est écrit pour ce public-là et c'est rédigé pour être saisi par les enfants. Assurément. Et puis je pense que il y a quand même une très grande cohérence de l'œuvre de Saint-Exupéry. À certains égards, son premier roman, qui lui s'adressait à un public d'adultes, Courrier Sud, précède et annonce très clairement le Petit Prince. Le Petit Prince est une sorte de réécriture d'ailleurs pour les enfants, me semble-t-il, de Courrier Sud. Tous les éléments y sont, le désert, la mort du pilote sur la dune, la femme qu'on quitte, enfin tout ça est l'enfant mort, enfin tout ça est déjà très très très présent. Donc c'est une des modalités d'expression de ce que Saint-Exupéry avait au cœur. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre qui est tout de même très particulier, très singulier? Est-ce un livre allégorique? Ouais, je crois que la préoccupation principale de Saint-Exupéry, qui est bien une préoccupation de son époque, c'est de se faire comprendre. Et notamment de faire comprendre ce qu'il ressent, sa vie intérieure. La recherche de Saint-Exupéry, c'est faire entendre le chant de sa vie intérieure à ses proches et au lecteur. Voilà. Alors, comment s'y prendre? Voilà. Alors, il va pas faire quelque chose. C'est pas une abstraction non plus. Il a l'hantise de l'abstraction. C'est pas un homme d'idées, Saint-Exupéry. Alors, il y a qu'à lire Citadelle pour comprendre que c'est pas un homme d'idées. C'est un homme qui, à certains égards, ça lui a été reproché. Oui, ça lui a été reproché. Mais c'est une détestation qui est aussi de son époque, qui est que les idées trompent. Les idées ont beaucoup trompé. Mmh. Voilà. Elles conduisent à la guerre aussi, les idées. Bien sûr. Ça ment beaucoup. Donc, et surtout, ça rend difficilement compte de ce qu'est la vérité, la profondeur, la densité de la vie intérieure. Alors, il faut s'emparer d'une autre façon de la langue pour arriver à rendre compte de ça. Et le conte, la fable, qui a évidemment une dimension allégorique, s'y prête. Mais non pas tant par son message, c'est parce qu'elle charrie des images extrêmement fortes, extrêmement puissantes, extrêmement simples aussi. On voit bien qu'il y a une recherche très grande de la simplicité chez Saint-Exupéry, parce que il y a aussi la grande question de la transmission. L'histoire du Petit Prince, l'histoire qui est racontée, c'est d'abord, à mon sens, l'histoire d'un homme qui écoute une histoire. C'est l'aviateur qui est le seul, finalement, à porter attention à l'histoire du Petit Prince. Donc, en lui-même, le conte porte l'idée de cette transmission nécessaire. Voilà. Et il n'y a pas mieux pour transmettre un sentiment intérieur précisément que la fable, que le conte de l'enfance. Et Saint-Exupéry n'a cessé de le dire. Alors souvent, le conte pour enfants, la littérature pour enfants détient en elle une morale. Oui. Est-ce que la morale du Petit Prince serait l'essentiel est invisible pour les yeux? Oui. Est-ce que c'est ça finalement le message pour les enfants? Il y a sans doute plusieurs niveaux de compréhension du Petit Prince, mais le plus simple peut-être ce serait celui-là. Oui. Je dirais que l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est la façon la plus simple, mais j'y ajouterais quand même le fait que cette révélation, cette affirmation, se donne par l'observation du monde, par la présence au monde. Donc c'est en voyant que finalement on voit l'invisible pour les yeux. C'est une célébration du lien. C'est une célébration du lien qui porte évidemment un au-delà du lien, ce que le lien... ce vers quoi le lien appelle, mais il est porté par une relation très très directe au monde. D'où l'importance du scintillement de l'étoile, de l'eau, de l'écoulement de l'eau, de la couleur des blés, enfin, etc. On est complètement là-dedans. Donc parce que cette question de l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est aussi ce qui nous met un peu à distance de ce conte-là, parce qu'on se dit si l'essentiel est invisible pour les yeux, à quoi bon rester, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où Saint-Exupéry n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Il ne sait de dire que c'est certes en s'éloignant, d'une certaine façon, en s'éloignant au plus loin du monde qu'on prend conscience de cette révélation qui est que le paysage, la réalité, donne à voir ce qui ne se prête pas à être vu par les yeux. C'est une pensée très paradoxale, complexe, mais qui s'exprime très simplement dans la phrase que vous avez citée. Vous parlez d'éloignement. Est-ce qu'il y a de la misanthropie cachée dans ce conte-là? Oui, est-ce qu'il y a de la misanthropie chez Saint-Ex aussi? Alors, il y a une misanthropie à l'égard de, comment dire, de la communauté des hommes dans ce qu'elle est, dans l'image qu'elle se donne. C'est l'image qu'il donne, qu'il évoque souvent de la terre mitière. C'est-à-dire qu'il y a, une manière d'être, une manière sociale d'être, qu'il ne cesse de dénoncer, voilà, où l'homme s'avère oublieux de lui-même. Voilà. Et donc il est tout le temps en train de parler du lien avec les hommes, mais en même temps les hommes, ils ne les supportent pas ou ils les supportent mal. Ouais, ils les supportent bien quand ils s'en éloignent et qu'ils trouvent les bonnes raisons en lui et dans la réalité extérieure de les rejoindre. Voilà. La compagnie des auteurs sur France Culture, merci de nous écouter. Nous parlons du Petit Prince avec vous, Alban Cerisier. On va parler justement de l'histoire de ce livre, un livre qui a été, on ne le sait pas toujours, écrit aux États-Unis. Oui, en fait, Antoine de Saint-Exupéry se retrouve aux États-Unis pendant la guerre. Il s'embarque à Lisbonne à la fin de l'année 40. Et il arrive à New York le 31 décembre 1940. Et il va passer environ 2 ans entre New York et un petit peu Los Angeles, avec l'idée, c'était l'idée de départ, se retrouvant démobilisé, trouver une nouvelle forme d'engagement possible, qui est d'aller essayer de convaincre, enfin déjà d'expliquer aux Américains ce qui s'est passé en France, voilà, le sens de la défaite. Et trouver les moyens et faire finalement s'appuyer sur sa notoriété aux États-Unis, qui est déjà très grande. Ah mais très grande puisque Vol de nuit par exemple est un très grand succès. Et au cinéma également puisqu'il a été adapté avec Clark Gable notamment, c'était un succès de cinéma. Et puis Terre des hommes bien entendu qui a été salué par la critique américaine et dûment récompensé aux États-Unis. Donc c'est l'écrivain français le plus connu aux États-Unis, Saint-Exupéry. Donc il y va avec cette notoriété, avec une volonté politique. Voilà. Simplement il y reste un peu plus longtemps que prévu. Il s'installe à New York, la réalité. Il y trouve un très très bon accueil. Il faut dire qu'il y a une communauté aussi française du livre qui est très importante. Oui, là-bas. Avec laquelle il aura quand même quelques difficultés puisqu'il a quand même un positionnement un peu... il est un peu entre deux eaux, Saint-Exupéry. Hein. Il n'est pas dans le clan des gaullistes, il n'est pas du tout dans le clan des vichistes. Donc il est dans un entre-deux où finalement, qui accepte finalement le principe, il a dit très clairement, il dit que finalement la meilleure solution pour la France... C'était l'armistice. Mmh. Il faut l'accepter, mais en aucun cas il faut faire un lieu. Il faut en faire une raison d'inaction. Donc il faut s'engager autrement. Et cette voie, cette troisième voie, d'une certaine façon, elle sera pas très bien comprise. Cela dit, il a des amis aux États-Unis qui s'occupent bien de lui. Il a les Lazareff. Puis il a Marcel Duchamp avec qui il joue aux échecs, apparemment très souvent. Voilà. Il a Jean Renoir qui fait la traversée avec lui également, qui lui est plutôt du côté d'Hollywood pour continuer sa carrière. Donc il est très entouré de femmes également et entouré d'éditeurs qui déjà se préoccupent beaucoup de savoir si il va arriver à leur donner Flight to Arras, Pilote de guerre, qui est le livre qu'ils attendent, précisément, le livre de l'explication et le livre sur lequel Saint-Exupéry comptait comme élément pour décider les Américains à entrer dans le conflit. Alors ça viendra un peu plus tard. Et puis, il le voit dessiner sans arrêt des petits personnages. Et la femme de l'un de ses éditeurs lui suggère, en tout cas c'est ce qu'elle a raconté, d'en faire un livre. Donc ce serait une commande alors ? Ouais, ce serait une commande, oui. Ça aurait été un livre qui aurait été suggéré à Saint-Exupéry, même si on peut avoir un certain doute, parce qu'il semblerait qu'il y ait eu un projet qui ait été exprimé de livre pour enfants alors qu'il était encore en France dans les années 30. Alors voilà, justement, il y a cette hypothèse-là sur laquelle on peut revenir un petit peu, c'est l'hypothèse Alfred Mamm, qui lui dit que Le Petit Prince aurait été déjà écrit finalement dans l'entre-deux-guerres ou à la fin des années 30. Déjà écrit, je pense qu'il y va un petit peu fort, hein, assurément, mais en tout cas qu'il était à l'esprit de Saint-Exupéry. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Saint-Exupéry avait envie d'écrire un conte, qu'il soit pour enfants, qui s'appelle Le Petit Prince, c'est pas la... Mais c'est d'ailleurs, quand il écrit ses tout premiers textes, qui sont des nouvelles, il en parle pas comme des nouvelles, il en parle comme des contes. Mmh. Et à un moment, il dit, je vais arrêter de raconter des contes, d'écrire des contes de fées, je vais écrire des contes d'avions. Ça, c'est en 1926, avant Courrier Sud. Et cette idée de conte le tient depuis qu'il a commencé à écrire. Voilà. Virgile Tanaz dit même que c'est un mythe, c'est même davantage qu'un conte. Oui, c'est un mythe. Enfin, le personnage du Petit Prince est constitutif peut-être d'un mythe, mythe aussi de l'enfant éternel, etc. Il y a une question, mais je pense que Saint-Exupéry, au moment où il écrit Le Petit Prince, n'a pas, il a le triomphe modeste, hein, il a l'universalité modeste, Saint-Exupéry. Voilà. Donc, son but, c'est d'écrire un livre qui soit immédiatement compréhensible par les enfants et que, comme on l'a évoqué, qui a ses propres complexités par ailleurs. Donc c'est ce qu'il fait aux États-Unis et il le publie à New York en 1943. Oui. Et pendant longtemps, trois ans, ce livre ne sera publié qu'aux États-Unis. Exactement. Alors, il était prévu pour Noël 42, comme un livre de Noël, en réalité. Et bon, il y a eu du retard. C'est un livre un peu compliqué à fabriquer, hein, parce que, comme vous le savez, les dessins de Saint-Exupéry s'intègrent au texte. Donc, c'est une mise en page très précise. Et Saint-Exupéry s'y est appliqué personnellement. On en a quelques traces. Et donc, le livre paraît effectivement. Alors, une particularité aussi, c'est qu'il paraît à la fois en langue anglaise et en langue française. Donc, la communauté française de New York lit Le Petit Prince en français. Elle a peu les possibilités de se lire. Le lire en français. Et Saint-Exupéry, manipulant très très mal la langue anglaise, n'aurait pas pu supporter, de toute façon, qu'un de ses livres soit publié premièrement, d'une certaine façon, en langue anglaise. Ne serait-ce que pour ne pas l'avoir à lui, quoi. Il ne le publie pas en France, c'est à cause de l'occupation? La situation fait qu'il ne peut pas le publier. Voilà, il n'est pas en France. Il a dit Pilote de guerre a été publié en France, un petit peu en différé de sa version américaine, mais il a quand même été publié en France. Donc ça aurait pu, d'une certaine façon, être possible. Mais ce n'est pas le cas en 43. Et effectivement, ce qui a fait ça certainement, c'est que Saint-Exupéry, immédiatement le livre paru, il y a une petite incertitude sur sa date de départ des États-Unis, en tout cas c'est en avril, le livre immédiatement paru, Le Petit Prince immédiatement paru, part rejoindre l'Afrique du Nord pour retrouver ses compagnons de son escadron de reconnaissance aérienne, le 233. Donc en fait, il n'a pas le temps aussi, il n'est pas physiquement... Il ne le verra pas finalement tellement ce livre. Alors il le verra quand même, hein. Il aura des exemplaires en main, il le prêtera, mais il prêtera même son seul exemplaire à quelques-uns de ses camarades en Algérie. Voilà, mais disons qu'il sera effectivement très peu informé aussi de sa réception, de ce que ce livre va devenir. Et puis, de fait, le livre devient ce qu'il devient après-guerre. Alors, il ne devient pas tout de suite un grand succès. Au départ, c'est un petit, voire un succès moyen, enfin, ça reste Saint-Exupéry, mais ça n'est pas tout de suite l'espèce de raz-de-marée. En tout cas, aux États-Unis, aux États-Unis, et je pense que c'est certainement lié à cette mixité d'une certaine façon dans le genre, quoi. Et c'est un livre qui n'est pas forcément aisément facile à promouvoir pour les libraires. On sent la presse un peu mal à l'aise. D'où cette question à qui ce livre s'adresse-t-il. C'est un ovni, quoi. Oui, puis peut-être que la littérature pour enfants, à ce moment-là, c'est pas grand-chose. Oui. Et donc, il invente aussi un genre, et il faut faire connaître au public ce nouveau genre. Ouais. Et puis, il y a quand même aussi quelque chose qui va être certainement une clé sur la réception de ce livre, c'est que à partir du moment où il paraît après-guerre en France, à titre posthume, voilà, en 1946 seulement, il prend une dimension testamentaire. Enfin, je veux dire, c'est quand même Saint-Exupéry, le dernier vol, vous l'avez évoqué, et puis ce personnage qui disparaît dans l'écorce, disparaît dans le désert, cette espèce de dernier message d'une certaine façon donné. Tout ça, évidemment, entre très très vite, alors pas dans le mythe, dans la mythologie exupérienne. Pour le alors, dans les, au début des années 80, on est à 2 millions d'exemplaires, je crois. On a parlé d'un purgatoire, mais pour vous, il n'y en a pas eu. Non. ça c'est non. Continu. Non, non, c'est un purgatoire critique, ouais. Éventuellement, mais en aucun cas un purgatoire des ventes. Et aujourd'hui, ça continue. Oui, oui, c'est un livre qu'on se transmet effectivement, dont les ventes sont encore très régulières, aussi bien pour le public enfant que pour le public adulte. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. Comment ? Tu es tombé du ciel ? Oui. Ah, ça c'est drôle ! Alors toi aussi tu viens du ciel ? De quelle planète es-tu ? Tu viens donc d'une autre planète ? C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Mais toi, d'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Hein ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? Ce qui est bien, avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. L'attacher ? Quelle drôle d'idée ! Si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où. Mais où veux-tu qu'il aille ? N'importe où, droit devant lui. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. J'avais ainsi appris une chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Jacques Grélot et le jeune garçon Georges Poujouly dans cette adaptation célèbre de 1954 de Gérard Philippe, Alban Cerisier, dont on parlait en début de cette émission. Vous dites que le succès du Petit Prince, c'est celui de la littérature et de ce qu'elle apprend aux hommes sur eux-mêmes. C'est ça qu'on entend aussi dans cet extrait, selon vous ? Oui, je crois que Saint-Exupéry avait une confiance enracinée dans le pouvoir de la littérature. Dans une lettre un peu désespérée qu'il envoie à son ancienne fiancée, Louise de Villemorin, dans les années 20, il part sur la ligne aéropostale pour accomplir sa mission et il lui dit, il prend acte du fait que leur relation amoureuse est éteinte, mais malgré lui, elle renaît sans cesse, comme un printemps, écrit-il, c'est bien lui, et que cet amour est trop grand pour lui et qu'il a besoin de se le raconter. Et le besoin de se le raconter, c'est le passage à l'écriture, et c'est comme ça que la littérature pour soi devient la littérature pour les autres. Mmh. Voilà. Donc ça, je pense que c'est ancré profondément en lui, et ça ne le quittera jamais. Et cette découverte est strictement contemporaine de son engagement parmi les hommes, sur la ligne, et son engagement militaire, bien entendu. Mmh. Il n'y a pas de distinction. Voilà. Donc, le Petit Prince fait partie de l'œuvre, oui. Et il est sur le même plan, oui, que tous les autres. Et c'est pour ça que je pense que c'est une erreur de vouloir l'isoler, de vouloir le... Comme on a fait dans cette émission. Non, parce que précisément, on a parlé de l'œuvre, en général, et de ne le juger que par lui-même. Il a cette puissance, interne, autonome, bien entendu. Mais c'est un état d'âme, le Petit Prince. Et cet état d'âme est durable chez Saint-Exupéry. Donc il est l'expression de cet état d'âme. Il est pas là. Et c'est pas la recherche d'une philosophie. C'est la recherche d'une façon d'être au monde. Il évoque aussi, il dit, quand il envoie des lettres, il dit souvent, vous pouvez pas complètement me comprendre parce que ce que je dis, c'est la moitié de ce que je sens. L'autre moitié, elle est en moi, elle est dans mes rêves, elle se prolonge en rêve. Voilà, il y a une densité de la vie intérieure qui nous appartient à tous, bien entendu. Mais que Saint-Exupéry, en ayant fait le choix de quitter le foyer, quoi, et puis de l'aventure, faut quand même prendre la mesure, hein, de l'engagement de ce genre d'homme, quand même, avec cet extrême pas de côté, d'une certaine façon, a eu ce soin de rapporter aux autres ce qu'il en a tiré pour lui-même la capacité à se dire, la capacité à être adulte, à vivre parmi les siens. Alors, est-ce qu'il faut raconter ce livre ? Est-ce que l'histoire d'abord de ce livre est résumable et est-elle importante, Alban Cerisier ? Alors, raconter, c'est la trahir, parce que lire, c'est une démarche, hein, entendre lire, c'en est une autre, et que je pense que Saint-Exupéry aurait eu quelques difficultés à entendre son livre résumé en cinq phrases, et voilà. Donc, il y a quelque chose d'un peu atypique, enfin d'un peu contre nature, pardon, à aller dans ce sens-là. Pour autant, je veux dire que il y a une trame narrative. Il y a une narrative un peu complexe d'ailleurs, hein, avec fait de alors la demi-confidence est absolument clé. Je parlais des demi-phrases à l'instant. C'est le livre de la demi-confidence. Le Petit Prince, il ne dit pas tout. Ah non, jamais. Voilà. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser le temps au récit de s'installer et le temps à l'imaginaire de se nourrir de ce récit. Et ça appartient pas à l'auteur, ça appartient au lecteur. Mais il y a une trame. Il y a une trame qui d'ailleurs Saint-Exupéry a hésité sur la structure de son livre, mais en gros il y a deux grandes parties qui est un dialogue entre l'aviateur et le petit prince, voilà, et puis il y a deux parties plus intérieures qui est la narration du voyage du interplanétaire d'une part et sur la Terre d'autre part, du Petit Prince. C'est très balancé hein, comme récit, c'est très précis en réalité, très très précis. Donc il y a eu énormément de retravail, puisque vous avez publié aussi justement le facsimilé. Alors j'imagine que c'est du dernier manuscrit. Alors c'est une très bonne remarque. On ne peut pas savoir... c'est une excellente remarque, voilà, parce qu'en réalité, qu'y avait-il avant, voilà. On le saura peut-être un jour, parce qu'il ne cesse de sortir de nouveaux manuscrits, enfin de nouveaux états manuscrits. Mais c'est sûr que le manuscrit qui est conservé aux États-Unis, c'est logique, puisqu'il l'a confié à une de ses amies avant de partir en 43, à Sylvia Hamilton, en même temps que son appareil photo d'ailleurs, et donc il est conservé aujourd'hui à la Pierpont Morgan Library, voilà, c'est un magnifique manuscrit dessiné pour une part, avec des esquisses en plus, et c'est un manuscrit très très propre, ce qui est assez étonnant chez Saint-Exupéry, parce que Saint-Exupéry est un écrivain qui revenait beaucoup, il revenait énormément. C'est ce que dit Consuelo en tout cas, parce qu'elle dit que il y a eu vraiment, pour une page, il en avait écrit 40. Hein. Oui, mais je crois que c'est à juste titre. Vraiment, on voit ça et c'est difficile. L'avis du transcripteur des manuscrits de Saint-Exupéry est une vie difficile. C'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est très très... Et d'autres avant moi s'y sont collés, dont Nelly de Vauguet pour les carnets, et c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on apprend alors en rentrant vraiment dans la mécanique du texte sur les choix qu'il a fait, sur les hésitations qu'il a eues? Alors par exemple, le choix de la révélation de ce qu'est le propre de l'amour, la révélation portée par le renard, qui est le propre de la relation humaine, telle qu'elle se construit de la relation réelle et de l'imaginaire qu'on y donne, avait pas trouvé tout de suite son médiateur, qui est donc le renard dans le texte définitif. Et on voit dans le manuscrit que finalement, Saint-Exupéry avait choisi d'aller beaucoup plus vite et de le faire porter uniquement dans la relation avec la rose et dans la méditation propre du petit prince, découvrant finalement, en même temps que l'unicité de la rose mettant fin à l'affreuse, à l'effroyable des multiplicités et ressemblances de toutes les roses, aurait à lui seul, d'une certaine façon, fait surgir cette vérité. Et il y a eu le rôle bienveillant du médiateur renard, qui est un rôle classique, hein, je dirais, et qui vient plus tardivement. Le voyage aussi avec les planètes s'est enrichi, puisque au début, il n'y avait que quatre planètes, et puis le milliardaire, qui d'abord s'appelait le propriétaire, est intervenu. Voilà. Et puis, il y a une autre chose très importante pour Saint-Exupéry et pour les lecteurs, c'est que les fameuses phrases « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton » ou « L'essentiel est invisible pour les yeux », ce sont... Enfin, c'est des phrases travaillées. On voit que c'est pas venu tout de suite. Il y a plusieurs versions. Alors, c'est des infimes variations. Et Saint-Exupéry tenait énormément à ces infimes variations. Il l'explique à son traducteur, d'ailleurs, qui le presse à rendre sa copie. Lui, attendez. Laissez-moi finir. Ce que j'ai remarqué, écrit-il. Il écrit ça à Lewis Galantière. Ce que j'ai remarqué, c'est que les phrases que j'ai 40 fois reprises, qui ont eu le plus grand destin d'une certaine façon. Donc, auprès du lecteur. Si ce sont ces phrases qui restent, oui, c'est qu'il a vraiment réussi son projet. Ah oui, je pense. Je pense que c'est. Là, on peut difficilement dire le contraire, assurément, parce que ce serait un déni de réalité pour le coup. Quelle est votre planète préférée du Petit Prince? Oh, peut-être celle de la lumière de réverbère, parce que c'est quand même celle qui est positive. Je veux dire, on peut rallumer toujours le réverbère. Il y a une beauté, il y a une noblesse dans la routine. Et ça, c'est quand même notre quotidien à tous. Alors, il y a quelqu'un comme Heidegger, qui apparemment adorait Le Petit Prince. Il a écrit « Ce n'est pas un livre pour enfants », donc ça, il l'avait vu. Ouais. « C'est le message d'un grand poète qui soulage de toute solitude et par lequel nous sommes amenés à la compréhension des grands mystères de ce monde. » Qu'est-ce que ça vous fait, à vous, de savoir que Heidegger adorait Le Petit Prince? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, en tout cas, moi, ça ne me fait pas personnellement pas grand-chose, si ce n'est que je pense que la préoccupation de Saint-Exupéry, c'est l'existence. Voilà, Saint-Exupéry, c'est pas Platon, hein, d'une certaine façon. Il va pas chercher les idées derrière des apparences flatteuses. Il va chercher le propre de l'existence. Voilà. Et ça, c'est moderne. C'est un livre autobiographique? Assurément. Assurément, dans un des exemplaires dédicacés rares à l'une de ses amies, Annabella Power, la femme de Tyrone Power, l'actrice. Hein. Il écrit que il met une petite bulle à son petit prince et il dit que il est aussi triste que sur cette photographie. Donc lui, c'est un aveu de l'autoportrait. Il est le petit prince, il n'est pas l'aviateur. Ah si, il est les deux. Il est les deux. Enfin, encore une fois, c'est le climat. Enfin, encore une fois, c'est un état d'âme, le petit prince. Donc, il n'y a pas, c'est pas un livre à clé non plus. Moi, on en fait beaucoup, très souvent, un livre à clé. C'est facile d'aller voir Consuelo derrière la rose. C'est aussi facile d'aller voir sa mère. C'est ce qu'on a dit. Alors, c'est la rose ou c'est la mère? Mais c'est juste. C'est Consuelo ou c'est la mère? C'est juste, mais tout est juste. Voilà, c'est tout. Comme Geneviève était dans Courrier Sud, Louise de Villemorin, tout en étant aussi sa mère, et puis Didi, la sœur de Saint-Ex. Enfin, voilà, il faut. C'est un élément évidemment de lecture, mais encore une fois, je pense que c'est pas le projet de Saint-Exupéry. On voit bien, vous parliez du manuscrit, c'est une des révélations du manuscrit. Il a beaucoup gommé tout ce qui ressemblait à des détails biographiques réels. Mmh. Par exemple, il faisait référence à Long Island. Dans le texte, et qui est un des lieux de l'écriture du Petit Prince, donc c'est auprès de New York, pendant l'été 42 où il était avec Consuelo, et d'autres, André de Monroy, Dine Drougemont, et il a enlevé cette mention-là. C'est vrai pour d'autres. Je veux dire, donc il y a cette économie de moyens qu'il y a, dans le conte, est aussi une économie de biographie. Et tout qui est un signe. Et l'accident d'avion, ça c'est de la biographie. Alors ça c'est vraiment de la biographie parce que il y en a beaucoup dans sa vie des accidents d'avion, mais il y en a un en particulier qui est celui dans le désert de Libye en 35 et dans la partie égyptienne du désert de Libye qui raconte magnifiquement dans un des chapitres de Terre des Hommes bien entendu et qui évidemment est présent et dont il a fait dont il a tissé la trame de son texte. C'est une évidence, c'est une expérience vécue. Merci Alban Cerisi, on vous retrouve dans quelques minutes pour continuer cette conversation, mais tout de suite allons voir ce qui s'écrit dans les colonnes des magazines et revues littéraires. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en l'occurrence, dans les colonnes de l'Express, c'est avec vous, Marianne Payot. Bonjour. Bonjour. Le livre dont vous nous parlez aujourd'hui s'appelle « L'été où tout arriva ». On le doit à Bill Bryson et il évoque un autre aviateur, en l'occurrence Charles Lindbergh. Autant dire que la transition se fait tout en douceur avec le sujet de notre émission, Saint-Exupéry. Bravo Marianne. Tout en douceur, oui, mais pas sans danger. Ah. Effectivement, grâce à l'époustouflant écrivain américain Bill Bryson, nous voilà à notre tour virevoltant dans les airs. Pas sûr que l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry ait fait la connaissance de son confrère Charles Lindbergh, né un peu moins de 2 ans après lui, mais impossible d'imaginer qu'il était insensible à ce qui se passa le 21 mai 1927. En ce 21 mai, donc, à 23h22, heure de Paris, 33h30min 30s après avoir décollé l'aéroport Roosevelt de New York, en évitant de justesse les lignes téléphoniques, le Spirit of Saint Louis se pose sur la pelouse du Bourget. Alors que la France pleure encore les disparitions de Nungesser et Colly, 100 000 personnes agglutinées tentent d'apercevoir la grande carcasse de Charles Lindbergh s'extraire de son monoplan. Le jeune Américain de 25 ans connaîtra bientôt la célébrité la plus immense et la plus éclatante à laquelle un être humain ait jamais eu le droit, note Bill Bryson à propos du pilote de Little Falls, fil rouge de son impressionnant ouvrage sur l'Amérique en folie de 1927. Impressionnant, oui, mais aussi passionnant, époustouflant, amusant, instructif. Difficile de jouer la modération devant une telle somme d'érudition et d'humour. Oui, l'auteur d'American Rigolo, chronique d'un grand pays, et d'une histoire de tout, ou presque, et de ces conteurs de haute volée dont on ne se lasse pas d'entendre la voix. Donc vous avez adoré ce livre, Marianne, on l'entend, mais Bill Bryson, qui est-il? Est-ce que vous pouvez nous le dire un petit peu? Il est né en 1951, à Des Moines, dans l'Iowa. Il fallait bien que quelqu'un soit originaire des Des Moines, c'est tombé sur moi, s'amuse-t-il à répéter. Depuis 1985, cet ancien journaliste du Times et de The Independent porte de livre en livre un regard ironique sur son pays, les États-Unis, sur le Royaume-Uni où il a longtemps vécu, sur Shakespeare dont il a publié une exquise anti-biographie et sur notre époque en général. Arpentant le temps et les espaces, Bill Bryson s'impose comme l'un des maîtres de la vulgarisation scientifique et historique. Dernière preuve en date, publiée chez Payot, ce livre titré « L'été où tout arriva », 1927, l'Amérique en folie. Alors pourquoi est-ce que l'Amérique, précisément de 1927, serait-elle en folie? C'est une Amérique de la démesure que nous décrit la plume alerte de Bryson tout au long de son pavé de près de 600 pages. Avant même le premier plat de résistance, cette fameuse traversée de l'Atlantique en solitaire et sans escale, on sait déjà tout d'un spectaculaire incendie new-yorkais, du crime sordide commis dans le foyer des Snyder de Long Island qui défrait la chronique et inspira James Ken pour son facteur Sun toujours deux fois, mais aussi des inondations bibliques du Mississippi, du millier de morts par an dus aux accidents de la circulation à New York, qui compte alors plus d'automobiles que toute l'Allemagne, des 250 nouvelles productions à Broadway, ou encore du forcené qui, trouvant les impôts trop élevés, fait sauter le 18 mai 1927 une école du Michigan. Bah oui, attentat, faut se faire entendre. Qui fait pas moins de 42 morts. Puis on retrouve Lindbergh qui, rentré en bateau de France, débarque à New York le 13 juin. La ville entière, la première du monde à l'époque, l'accueille sous les vivas. Ponctuant son récit par la surréaliste tournée estivale de l'aviateur qui s'en suivit à travers les États-Unis, Bill Bryson ressuscite les figures marquantes de cette Amérique à la richesse ahurissante. Parmi celles-ci, on retiendra le savoureux portrait de Calvin Coolidge, le 30e président des États-Unis, le plus taiseux aussi, qui pratique, je cite, « une inactivité inflexible, déterminée et vigilante » et qui, le 2 août, lors d'une brève conférence de presse, déclare à la surprise générale ne pas vouloir se porter candidat à la présidence en 1928. C'est marrant, ça rappelle des souvenirs pas si lointains. Il y a d'autres portraits croustillants comme ça? Cette somme en fourmille, on saute d'Al Capone, le gangster préféré du public, à Henry Ford, l'industriel milliardaire antisémite et son insensé projet de culture de caoutchouc au Brésil, qui signera sa chute. On s'attarde aussi sur les Italiens Sacco et Vanzetti, exécutés le 10 août par le bourreau le plus demandé de l'époque, un certain Robert G. Elliott, à propos duquel Bryson signale « Elliott n'était pas d'un naturel meurtrier, mais sans doute à son propre étonnement, s'était révélé assez doué pour tuer les gens ». L'écrivain fait se croiser tout ce petit monde avec Maestria tout en évoquant la prohibition, les prémices de la Grande Dépression, la télévision naissante, Hollywood bien sûr, et le cinéma parlant avec le chanteur de jazz, dont la vedette Al Johnson, a un sens de l'humour plus que douteux. L'idée qu'il se faisait de bonnes blagues, écrit l'auteur, c'était d'uriner sur les gens, ce qui explique sans doute en partie pourquoi il eut 4 épouses et aucun ami. Et Bryson d'achever son épopée par un laconique « On dira ce qu'on voudra, ce fut un été d'enfer. » L'été où tout arriva par Bill Bryson, traduit de l'américain par Hélène Infres et chez Payot. Merci beaucoup Marianne. Et puis j'invite nos auditeurs à se procurer l'Express dans lequel les lecteurs, les auditeurs deviendront des lecteurs et ils se régaleront de tous ces articles qui leur seront proposés. Merci, à bientôt. Et vous écoutez toujours la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous repartons dans cette émission consacrée au Petit Prince avec Alban Cerisier. Et c'est Consuelo de Saint-Exupéry, la femme de l'écrivain, qui ouvre en archive cette seconde partie. Ce petit prince, il a commencé à faire des dessins du petit prince. Et alors tous nos amis ont posé pour le petit prince. Même Denis de Rougemont, l'écrivain suisse, a posé dans notre maison de Long Island pour le petit prince qui remonte ce volcan. C'était un grand jeu. Et il a commencé à écrire les premières pages. Parce que moi, je suis peintre et je faisais de la peinture. Et lui avait préparé Beaux-Arts. Il savait dessiner très bien. Alors une fois que le Petit Prince a commencé, il allait dessiner chez tous ses amis. Chez le Reynold, chez le Lazareff. Tout le monde garde le Petit Prince qu'il a fait. Il a commencé sa légende parce qu'il le faisait même à des amis qui étaient des enfants. D'ailleurs, un enfant de Reynold qui lui demandait aussi de dessine-moi un petit prince, dessine-moi un petit mouton. Et il arrivait joyeux, il me dit, j'ai déjà, me dit, une certaine tournure de mon livre, est-ce qu'il te plaît? Et alors, ce livre aurait 1000 pages, mais mon mari déchirait 40 pages pour garder une. Il ne l'a pas vu. Je crois, il ne sait pas même s'il l'a lu. Retenez-vous de cette archive, Alban Cerisier, je vous voyais l'écouter avec un sourire attendri. Oh oui, parce que j'aime bien la voix de Consuelo, et c'est très touchant, puis c'est évidemment très proche de la réalité de l'écriture de ce livre mythique, forcément. Donc ça donne, on s'imagine ce que pouvait être cette ambiance un peu folle à Bevin House, donc c'est la maison qu'elle évoque. Il y avait aussi André Mauroy qui était là, qui passait. Il y avait un petit chien que Saint-Exupéry utilisait pour comme modèle du tigre. Enfin bon, voilà, très plaisant bien sûr. Et alors on apprend, enfin on le savait déjà un petit peu, mais que les dessins ont une importance extraordinaire. Ouais. C'est même peut-être du dessin que part finalement le texte. Alors Saint-Exupéry a toujours dessiné, ça c'est une certitude. Puisqu'il a fait les Beaux-Arts, ses manuscrits, comme le rappelait Consuelo. Oui, voilà. Ses manuscrits sont, enfin c'est le cas de Corriesune, c'est le cas de manuscrits de scénario pour le cinéma où il faisait lui-même les petits crobards. Qui est de façon très, très jolie, très charmante à chaque fois. Et donc, dès les années 20, on voit ces petits personnages qui apparaissent, qui sont plus, là encore une fois, je dirais, enfin, ça lui permet à chaque fois, me semble-t-il, de caractériser la personnalité d'une figure. C'est son climat intérieur, d'une certaine façon. Alors, c'est des fois, je suis timide, tout cela m'étonne. Enfin, voilà, et ils sont dans le style un petit peu graphique du Petit Prince. Ça commence. On voit des petites choses qui apparaissent. Par exemple, il y a quelque chose qui vient souvent, qui est une forme d'espèce de petite croix au niveau du front. Il y a peu à peu quelque chose qui ressemble à un foulard qui apparaît. Il y a le traitement des pieds, j'y pense, par exemple, là, qui se rapproche souvent du Petit Prince. La façon dont sa tunique est un peu ondulée, un petit peu bien courbe. Et puis, il y a des formes aussi autour de ces petits personnages qui apparaissent, notamment une forme qui revient très souvent, qui est comme un quart de planète ou comme un quart de colline herbeuse, voilà, qui apparaissent. Donc ça, c'est les années 20-30, et ça s'accélère à un moment où, notamment pendant la Drôle de Guerre, où donc Saint-Exupéry est dans l'action militaire, il fait de la reconnaissance aérienne, et pour expliquer un peu les combats et ce qui se passe, ce qu'il ressent, notamment lorsqu'ils ont à affronter la chasse allemande, il se dessine lui-même d'une façon, bon, là c'est très clair, c'est vraiment un autoportrait, sur un petit nuage, voilà, qui survole la planète France d'une certaine façon, et puis derrière lui, il y a les Messerschmitt allemands qui sont des petits diables sur des nuages. Donc tout ça devient un petit peu aérien, voilà, hein, progressivement. Et le personnage a des ailes. Peu à peu, il lui enlève les ailes. Voilà. Donc ça devient un personnage semi-aérien, semi-terrestre, on va dire. Voilà. Et on va petit à petit vers ce qui va devenir le Petit Prince. Il y a déjà cette forme de naïveté dans le dessin. Oui, ce sont des petits personnages d'enfants faciles à dessiner, semble-t-il, enfin qui viennent facilement sur son crayon, quoi. Et je pense qu'ils sont le prolongement de réflexion. Enfin, il y a quelque chose de qui relève du prolongement du texte qu'il est en train d'écrire. C'est souvent lié à de l'écriture, hein, très souvent. C'est rarement des dessins isolés. Donc aujourd'hui, on ne peut plus séparer les dessins du texte. Je ne sais pas si certaines éditions ont cherché à demander à d'autres dessinateurs d'illustrer Le Petit Prince, mais dans un sens, ça n'aurait pas de sens de faire alors, cela. Oui, alors, il y en a eu, mais dans le cadre d'adaptations, notamment comme John Farr pour la bande dessinée, voilà. Mais Hugo Pratt aussi a dessiné, Moebius a dessiné Le Petit Prince aussi. Enfin bon, voilà, il y a des artistes qui... Georges Lemoine, un illustrateur pour enfants, a fait des... récemment, enfin, avait fait un petit dessin formidable. Mais aller intégrer d'autres dessins dans le livre lui-même, qui forme un tout. Et le texte, d'ailleurs, fait référence directement, on s'en souvient, à l'image dessinée. Non pas comme dans ce qu'elle elle illustre, elle vient appuyer le propos de l'aviateur, qui est dessinateur. Et pas que narrateur. Hein. Donc, on imagine que tout cela a été pensé comme un livre qui est aussi un objet. Ouais. C'est ça. Je crois que les historiens du livre jeunesse parlent d'iconotexte. D'iconotexte. Voilà. C'est un terme, voilà, qui est un peu jargon, mais enfin qui montre bien qu'il y a une cohérence très très très très forte entre le texte et le dessin. Et que les images ne sont pas des illustrations. Non, c'est pas des illustrations. Elles contribuent à l'évolution de l'histoire. Et d'une certaine façon, j'allais dire un mot atroce à sa performance, qui est vraiment un terme pas du tout épipérien pour le coup, mais en tout cas à sa capacité de séduction et de mise en disponibilité du lecteur. Quoi. One, two, three, four. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le Michelibou. Suis-moi, on y est presque. Suis-moi, là où rien ne presse. Suis-moi, et v'là que nous y voilà. Et nous y voilà, Alban Cerisier, on parle toujours du Petit Prince et de Saint-Exupéry. En combien de langues il a été traduit finalement ce texte? Oh, là on en est à plus de 200 langues, enfin c'est un cas. Plus de 200. Oh, oui, c'est alors dedans il y a des langues absolument improbables. Oui, mais il y a aussi beaucoup de il y a des langues, après on va parler, puis il y a beaucoup de dialectes, hein, notamment des dialectes africains, des dialectes indiens, voilà, des langues indiennes, après on va en parler. Donc effectivement tout ça, il y a une version en araméen, hein. Par exemple, aussi, qui a été publié récemment. Alors, en Amazigh. Oui, alors l'Amazigh, ouais. C'est l'Afrique du Sud. Ah oui, c'est, je crois, non, le Maroc. Le Maroc, oui, oui. Oui. Il y a aussi, alors, un dialecte aborigène du nord de l'Argentine. Je crois qu'il y a 50 000 personnes qui parlent cette langue, mais ils peuvent lire tout de même dans leur langue, le Petit Prince. Et je crois, comme le dit, je crois, à Fontaine, chaque Petit Prince a ses ambassadeurs. Et il y a beaucoup d'ambassadeurs pour le Petit Prince. Et donc, le Petit Prince est par excellence un livre qu'on aime à faire traduire dans des langues qui sont peu pratiqués. Ouais. Mais vous avez dans votre bureau toutes les traductions ou presque? Alors pas dans mon bureau. C'est un peu votre travail. Oui, c'est un peu mon travail, vous avez parfaitement raison, mais traditionnellement, les éditeurs de ces traductions adressent ce qu'on appelle des exemplaires justificatifs à l'éditeur d'origine, c'est-à-dire aux éditions Gallimard. Donc comme ça, on dans leur petit trésor, ont des centaines et des centaines d'exemplaires, parce qu'il y a les langues et puis après il y a les pays, il peut y avoir plusieurs pays pour une même langue, donc plusieurs exemplaires différents. Et puis le livre est tombé dans le domaine public dans un certain nombre de pays. Ce qui fait que pour un même pays, c'est le cas au Japon par exemple, il peut y avoir 10, 20, 30 traductions différentes. Ça y est, donc on arrive à la fin. Alors en tout cas, dans certains pays, oui, où la protection de la propriété intellectuelle est différente de celle de la France et des États-Unis notamment. Ouais. Alors comment fait-on pour que les traductions restent fidèles à l'esprit d'origine? Parce que par exemple, en langue Toba, le concept de prince n'existe pas. Ouais. Comment faire pour traduire le Petit Prince? Ça, je crois que c'est à chaque génie, chaque langue a son génie, donc c'est à au génie de chaque langue de répondre à ces dilemmes, à ces difficultés par la paraphrase. L'avantage, c'est que Saint-Exupéry croyait beaucoup à l'intelligence de l'imagination, d'une certaine façon. Donc, je pense qu'il n'y avait rien de choquant pour lui à ce que on trouve dans le génie de chez propre de chaque langue des façons d'exprimer une réalité éminemment partageable. Il y a aussi les adaptations, les adaptations théâtrales, mais aussi musicales, cinématographiques. Oui. Je crois qu'entre 68 et 2000, les éditions Gallimard ont reçu des demandes pour des projets d'adaptation qui se chiffrent par milliers. Oui, c'est parce que ça va chaque initiative doit faire normalement le nom d'une autorisation en bonne et due forme. Donc évidemment, on a une multitude de petits projets qui viennent, hein, parce que ça peut être un projet de classe, un projet de bibliothèque, voilà, un projet de maison de quartier. Voilà, tout ça, ça vient, bien sûr. Et puis, il y a... Alors là, vous acceptez les maisons de quartier, oui, les bibliothèques, bien sûr, et classes? C'est la vie de l'œuvre. Je veux dire, c'est comme la même façon qu'on accepte que les compagnies amateurs de la France et du monde entier créent pour deux représentations les bonnes de Jean Genet. C'est pareil, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, on y regarde, bien sûr. On ne regarde pas tout dans le détail, mais je veux dire, voilà. Et puis, il y a des gros projets, des plus gros projets. Je pense, vous avez invité Virgil Tanaz, qui est un des adaptateurs au cinéma, un adaptateur de la pièce au théâtre. Je pense plus récemment à Michael Levinas, par exemple, à l'Opéra de Lausanne, qui avait fait un magnifique opéra mozartien à partir du livre. Et vous êtes étonné parfois par le sens que prend ce texte que vous connaissez tellement finement et vous vous dites ah mais je ne l'avais pas vu comme ça. Ouais, ouais. Il y a notamment, enfin je quand vous me dites ça, justement c'est le souvenir du spectacle de Michael Levinas qui dont je me souviens que par l'intermédiaire d'une petite mélodie qui revenait, il redisait une des phrases, je pense que c'était une des remarques de Larousse, mais avec une insistance folle. Mm-hmm. Il revenait sans cesse, comme Saint-Exupéry ne le faisait pas dans son texte. Et j'ai trouvé que ça révélait une certaine vérité de ce texte-là, de cette insistance-là, d'une certaine façon, évoquait l'insistance propre de Larousse dans son caractère infernal, mais ce caractère infernal qui pousse le petit prince dans ses retranchements, l'incite à fuir pour aller trouver une autre réalité. Mmh. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça très très beau, à la fois légèrement et avec insistance malgré tout, par une mélodie mozartienne que Levinas ait fait comprendre ça du texte. Et au cinéma ou à la télévision, je crois que vous aimez bien l'adaptation de Richard Boringer, En plein désert du Ténéré. C'est une adaptation qui date un petit peu maintenant, dans les années 1990 je crois. Oui, bon... Il y a la première, tout simplement, de ce cinéaste lituanien. Je crois que c'était dans les années 60, me semble-t-il. Mes souvenirs sont bons. Qui a quelque chose, une adaptation très, très cérébrale, très méditative du conte, qui me aussi, qui me tient à cœur. Puis plus récemment, le travail qu'a fait Marc Horsborn sur ce qui a été fait par le cinéma en dessin animé, alors c'est vrai, s'éloigne du texte à certains égards, mais dont j'ai apprécié le fait qu'il, avec le stop motion là, avec cette technique, ait réussi quand même à isoler un hommage très très très très fidèle, très très amoureux de ce texte-là, au cœur même d'une story hollywoodienne, d'une story à la Disney. Oui. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça très beau, et il a réussi à insister par là sur l'élément clé de ce texte-là que j'évoquais en début d'émission, qui est celui de la transmission. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque finalement c'est un livre, on l'a dit, qui a été publié aux États-Unis, qui a été très approprié par les Américains et qui est approprié par le monde entier, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, outre-Atlantique, il fait partie de la culture des Américains? Alors je l'ai vérifié, hein. Parce que il y a quelques années, je crois que c'était en 2006, si mes souvenirs, ou peut-être non, plutôt en 2013, je me trompe, il y a eu une grande exposition à la Pierpont Lorgan Library sur Le Petit Prince, à partir du manuscrit donc qu'il conserve, et ça a été la plus grande fréquentation de la Morgan Library en termes d'exposition. Voilà. Donc, et Le Petit Prince était, je crois que c'est, je ne sais plus sur quelle avenue c'était, il y avait des affiches du Petit Prince sur l'intégralité de l'avenue à Manhattan, quand même. Donc, je trouve qu'en termes de présence de la littérature française sur l'autre continent, c'est quand même pas mal. Après, les Américains ont d'autres héros, bien entendu, qui leur sont propres. Et je veux dire, le Manhattan n'est pas fleuri de porte-clés du Petit Prince, mais c'est peut-être plutôt pas mal en réalité. Il y a des produits dérivés, c'est autorisé? Alors oui, ça dépend pas de l'autorité de Gallimard. Mmh. Hein, c'est la famille qui cherche cet aspect-là de l'exploitation de l'œuvre. Oui, mais bien sûr, oui, tout à fait. Alors, on n'a pas parlé de Léon Woerth. Pourtant, vous lui consacrez tout de même une très longue partie votre étude. Pourquoi c'est si important, finalement, de parler de Léon Woerth, qui est d'ailleurs la personne à qui est dédié Le Petit Prince? Eh bien, voilà. Et c'est parce que c'est le dédicataire du livre que, Woerth était un essayiste, critique d'art, notamment quelqu'un d'extraordinaire brillant, anti-militariste, anticlérical, connu pour ses écrits comme ses textes magnifiques gauche, de Clavel Soda. De gauche, mais pas stalinien. Ah non, pas du tout stalinien. Plutôt anti, ou plutôt il y a un côté libertaire de gauche, on va dire. Mm-hmm. Voilà. Et ultra, très très brillant. Ami de Saint-Exupéry, un peu, on se demande dans quelque, enfin, c'est assez mystérieux d'une certaine façon leur prise d'amitié, voilà. Mais Saint-Exupéry ne supportait pas l'idée que son très grand ami Werther soit de l'autre côté de l'océan pendant que lui était aux États-Unis à se la couler douce et l'autre se planquait à Saint-Amour dans le Jura où il habitait. Mais voilà. Du coup, ça éclaire comment la lecture de connaître l'histoire du dédicataire. Alors ça montre que ce livre est un livre de l'exil, voilà, de l'amitié distante, de l'amitié qui constitue un obstacle, donc de la relation compliquée, mais d'une relation quand même possible au travers la littérature et au travers la richesse intérieure en réalité, voilà, qui tient finalement l'homme à ce lien-là. Enfin, je veux dire, voilà, donc c'est quand même possible d'une certaine façon, et c'est ce que Saint-Exupéry nous dit au travers du Petit Prince. Merci beaucoup Alban Cerisy pour cet éclairage sur cet ouvrage décidément fascinant qu'est Le Petit Prince. Je rappelle que vous avez dirigé l'ouvrage collectif Il était une fois Le Petit Prince, paru en 2006 en folio. Mais vous avez également dirigé La Belle Histoire du Petit Prince et Le Manuscrit du Petit Prince, deux ouvrages parus en 2013 dans la collection Beaux Livres chez Gallimard. Demain, nous reviendrons sur le travail journalistique et sur la Seconde Guerre mondiale telle que vécue par Saint-Exupéry. Ce sera en compagnie d'abord de François Gerbert, puis de Philippe Baudor. Mais tout de suite, et comme chaque jour, c'est le moment de retrouver Jacques Bonafé pour ses lectures de poésie. Dis-moi, il y a un mort auquel tu penses parfois ? Il te visite ? Tu lui parles de temps en temps ? Gardes-tu quelques objets de l'ancien vivant ? Où les gardes-tu ? Offres-tu tes larmes ? Qu'est-ce qui te fait rire quand tu penses à lui ? Cherches-tu à retrouver son odeur ? Penses-tu à lui un jour particulier de l'année ? Te retires-tu pour penser à lui ? Te rappelles-tu une phrase qu'il te disait ? Une phrase qui te donne de la force ? Qu'est-ce qui te donne de la force quand tu penses à lui ? Quel geste fais-tu pour le saluer ? Quel lieu choisis-tu pour lui parler ? Désires-tu parfois tout gommer, tout effacer ? Cela t'est parfois difficile d'avancer, l'absence à fleur de peau ? Aimes-tu être solitaire pour le retrouver ou partages-tu ce moment avec d'autres ? Tu t'arrêtes et tu bois un verre d'eau ? Un verre de vin ? Tu fumes une cigarette ? Tu lui écris une lettre que tu brûles au milieu d'une forêt ? Quel arbre lui ressemble ? L'entoures-tu de tes bras ? Comme une litanie adressée à nos morts, cette prière-poème de Laurence Vielle dans Ancêtre, Ancestor, écrit au cours d'un voyage en Indonésie, Tanatoa, le plus vieux pays du monde. Tu enlèves tes chaussures, tu t'habilles de noir, tu laisses à l'entrée de ce pays tes appareils électroniques, tes appareils photographiques, tu laisses tes bagages et tu marches, pieds nus, sur le chemin de pierre de Tanatoa, le centre du monde. Le monde a commencé ici. Tu vas rentrer bientôt dans la maison d'Amatoa, le vieux père, le chef du centre du monde. Tu salues sur le chemin le peuple vêtu de noir, de la tribu Kayang. Des femmes en sarong noir se lavent à l'eau d'une fontaine. Un enfant habillé de noir va chercher l'eau à la source. Tu entends les tac, tac, tac réguliers des métiers à tisser. Les femmes tissent les sarongs noirs de Tanatoa. Les pierres du pays sont posées sur la terre, dessous reposent les morts de Tanatoa. Il pleut un peu, la terre orange est glaise sous la voûte de ton pied, et tu arrives devant la maison du chef du centre du monde. Tu montes l'escalier. Rupture, changement de livre, autre recueil, toujours la même histoire. Garder le mort de Jean-Louis Giovannoni dans une nouvelle parution aux éditions Une, un texte essentiel, souvent réédité. Garder le mort. Lorsqu'on le trouve, on lui ferme les yeux. On le renvoie à sa nuit. On ne veut pas qu'elle se répande. Garder le mort. On écoute ses propres organes. On parle bas, la pièce à côté. Il y reste, il ne dira rien. C'est déjà trop. On ne caresse jamais l'intérieur d'un corps. Celui qui meurt, on ne le touche pas. Attention à ceux qui ont des plaies aux mains, on ne sait jamais. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez aujourd'hui des poèmes de Laurence Vielle et de Jean-Louis Giovannoni.